très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Voici les signaux de télémesure reçus du laboratoire spatial pour études et analyses ultérieures. Cette semaine, de l'année géophysique internationale. Je m'appelle Ed Snowden, j'ai 29 ans. À une chasse à l'homme internationale. Le big data, avant les ordinateurs, c'est une longue histoire. Big data et whistleblower. Le silicium écrase parfois le neurone. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, il manquera 200 000 data scientists. Il y a une volonté de rendre ces données publiques. Si Turmoil décide que votre navigation est suspecte, il transmet l'info à Turbine, qui redirige votre requête vers les serveurs de la NSA. Début mai, je vais lire ce manuscrit chez l'agent. Le 15 mai, je suis cambriolé chez moi. Et voilà le résultat. Le tout en moins de 686 millisecondes. Et complètement à votre insu. La pratique scientifique est-elle commune dans différents endroits du globe? Qu'est-ce qui serait différent? Comment la machine est-elle aujourd'hui devenue prééminente? Nous sommes en compagnie, aujourd'hui comme hier, de trois personnes, Elena Aronova et Bernard Reva, qui sont l'un et l'autre historiens des sciences. Coralie Trépied se charge de faire les traductions et l'interprétation des propos en anglais d'Elena Aronova. Je rappelle que Elena Aronova est historienne des sciences, travaille notamment à l'Institut Max Planck de Berlin, et que Bernard Reva, il travaille dans des quantités d'universités, il est un peu chercheur international. Vous passez d'un pays à l'autre avec pas mal d'allégresse, les États-Unis, la Suisse internationale. Quel pays n'avez-vous pas encore expérimenté, Bernard Reva, historien des sciences? La Russie, vous avez travaillé? La Mongolie. Ah, la Mongolie, vous n'avez pas travaillé en Mongolie? Non. La Russie, vous avez travaillé en Russie? Oui, à Yekaterinbourg, oui. Et la pratique des sciences, selon que l'on soit dans un... Je parle bien de la pratique, hein. Hier on parlait de la pensée, ou comment on pense en russe, comment on pense... Voilà, ce qui est peut-être une question un peu naïve, mais la pratique scientifique, selon qu'on se trouve dans tel ou tel coin du globe, est-elle différente? J'ai eu la chance de commencer mon doctorat à peu près à l'époque de la fin de la guerre froide et de l'Union soviétique. Vous n'y êtes pour rien. Et je n'y suis pour rien. Mais j'ai profité de circonstances qui permettent de répondre à votre question. Une des questions qui se posent, c'est comment les différentes disciplines interagissaient des deux côtés du mur. Et c'est une question dont on a parlé lors de la précédente émission, sur laquelle je peux rebondir maintenant dans le contexte de votre question. On pourrait la formuler de cette façon-là. Est-ce qu'un physicien qui travaille à Genève disons, les années 80, à l'époque justement de l'Union soviétique, peut échanger, peut communiquer, peut collaborer avec un physicien qui travaille en Union soviétique? Et la réponse est oui, et je l'ai fait moi-même dans les dernières années justement de l'Union soviétique. Donc il y avait des physiciens qui étaient à Genève. Après la fin de l'Union soviétique, donc j'ai moi-même participé là-bas, mais on est encore dans des contextes qui étaient très proches des contextes de l'Union soviétique. Et il y avait une possibilité de collaborer, il y avait une possibilité. Et je dirais ça allait même plus loin. On avait des ouvrages de référence, la fameuse collection de Landau et Lifshitz, de Landau prix Nobel soviétique, qui avait fait une collection d'ouvrages de référence en physique et qui était utilisée par les étudiants en Suisse et dans d'autres pays occidentaux, qui étaient traduits en français d'ailleurs par les fameuses éditions MIR, qui participent aussi, qui avaient d'autres aspects, je dirais, de propagande de l'Union soviétique. Mais cet ouvrage n'était pas considéré comme un ouvrage de propagande, c'était un ouvrage de référence. Alors, la question c'est combien de disciplines à cette époque-là, et ça c'est une position particulière de la physique, et peut-être qu'on peut remonter à l'année de la géophysique aussi pour parler de ces liens, peut-être aussi à la question de la fusion thermonucléaire, qui était un des aspects au moment du dégel Gorbatchev-Reagan, qui était un des projets qui ont été mis en œuvre pour montrer au monde à cette époque-là que les grandes puissances allaient collaborer de façon intense sur un projet qui visait à produire de l'énergie de façon illimitée et propre. Donc c'est le projet qui existe toujours, qui s'appelle ITER aujourd'hui. Et donc les deux grandes puissances collabore sur ce projet de façon très très proche. Et parce qu'il y a des disciplines qui l'autorisent et pas toutes. Alors c'est la question que je vais vous poser, Jean Leclerc. Oh bah, attendez, imaginons par exemple pour vous répondre. La faculté d'économie et de finances de l'université de Genève. Comment ça qu'elle s'appelait à cette époque? Faculté des sciences économiques et sociales. Imaginez-vous un étudiant dans les années 70 ou 80 de la faculté des sciences économiques utilisant des ouvrages de référence sur je sais pas, l'économie d'entreprise, par exemple, qui viendrait d'Union soviétique. Ah oui, il aurait peut-être un peu de mal à s'y retrouver. Et voilà, les mondes étaient complètement différents. Ouais. Les disciplines étaient enseignées de façon complètement différente. En physique, c'était le même. Alors, je peux pas me prononcer pour la biologie et la chimie, mais en tout cas, dans le domaine de la physique, les mondes étaient complètement fluides. Donc, il y avait des différences culturelles, c'est absolument évident, mais au-delà, on collaborait sur des projets scientifiques. Et les revues étaient connues, les revues étaient traduites. Et donc là, on est dans un espace où on passait le mur facilement. Et là-dessus, j'aimerais ajouter que la physique a été un des endroits où la globalisation a joué. Alors là, je parle au sens très très large. Et d'ailleurs, si on parle des big data, il y a une question qui se pose sur la normalisation des données. Et que si on collecte beaucoup de données, il faut aussi qu'ensuite elles puissent être utilisées par beaucoup d'acteurs. Et comment cette normalisation normalise aussi les pratiques. C'est-à-dire qu'on doit établir des protocoles, les gens doivent faire des mesures qui vont amener des résultats qui puissent être comparés. Et donc, on normalise les approches, les protocoles, les données. Et donc, ça veut dire que les gens normalisent aussi leurs pratiques. Et je pense que ce que j'ai vécu, moi, tout à la fin de l'Union soviétique, c'est un des résultats de ces échanges qui avaient déjà eu lieu dans les années 50, qui faisait qu'un physicien de Ekaterinbourg pouvait venir à Genève, travailler avec nous, superviser ma thèse. Et moi, j'ai pu après aller, juste après la fin de l'Union soviétique, à Ekaterinbourg et travailler dans un laboratoire avec des aspects très spécifiques à la science nucléaire russe, soviétique était devenue russe, mais on pouvait tout à fait travailler, faire des publications et collaborer. Alors, nous allons faire un petit rappel pour mémoire des sujets que nous avons abordés hier. Il a été question à la fois d'histoire relativement ancienne, puisqu'on a essayé de convoquer à ce micro les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, c'est-à-dire d'essayer d'attraper et de réunir des données. On a fait référence notamment à Horace Bénédicte de Saussure qui grimpait des sommets et puis dans ses ascensions collectait sur place un certain nombre de données, ou encore Humboldt, ou encore Darwin. Nous avons évoqué également au cours du plus récent 20e siècle à quel point les chercheurs, précisément, qui se trouvaient quand même dans une situation mondiale de géostratégie en deux blocs, la guerre froide, étaient parvenus quand même, au travers d'un certain nombre de projets scientifiques internationaux, tels l'année internationale de la géophysique, à travailler ensemble, partager, collecter des données. Nous avons conclu l'émission d'hier sur une interrogation de Bernard Revard relative à la robotisation, et c'est un peu ce que vous venez d'ailleurs d'aborder, Bernard Revat, dans quelle mesure, désormais, nous trouvons-nous devant, si j'ose dire, une nouvelle étape? La machine intervient dans le big data de manière presque, non seulement officielle, quasi systématique. Je vais vous poser une question, Elena Aronova, pardon pour sa naïveté, mais entre l'homme et la machine, à l'époque du big data d'aujourd'hui, quelle place a encore l'homme? La machine occupe-t-elle presque l'essentiel du dispositif? So that's a question about contemporary practices. I think the role of scientists is still essential and central, even though... D'après moi, le rôle du scientifique est toujours essentiel, central. Même si, c'est vrai, une grande partie de la collecte et de l'analyse des données est faite pour nous par des algorithmes, je crois que le scientifique reste essentiel. L'un des impacts de la robotisation, de cette automatisation, c'est la réutilisation des données, quelque chose qui est absolument essentiel dans le big data. Is sort of novel, although it's not that novel and revolutionary, but l'idée est la suivante. C'est que vous pouvez faire un travail scientifique, tirer des résultats, en vous basant sur les données collectées par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Cela a un impact, il y a de nouvelles pratiques qui émergent et de nouvelles spécialités, comme par exemple celle de scientifique des données ou de gestionnaire des données. Le scientifique des données, c'est celui qui va analyser les données collectées par quelqu'un d'autre. So in that regard, the question of automation and sort of withdrawing of the subject and the machines are doing work for us is a little bit deceptive. Ainsi, cette question de l'automatisation et de la disparition, du retrait du sujet au profit de la machine, pour moi, ce n'est pas une question qui se pose véritablement. La question qu'il faudrait plutôt poser, c'est quels sont les impacts de la robotisation, quels sont les rôles des algorithmes sur les pratiques et la structure de la production des connaissances que nous avons aujourd'hui. And you can see quite a lot of effects, I think, starting with the emergence of new specialties like data scientists. Et nous savons qu'il y a de nombreux effets, notamment cette émergence de nouvelles spécialités comme le scientifique qui se consacre aux données, comme j'en ai déjà parlé. Who owns data with all the, you know? Ou alors, la question suivante, à qui appartiennent ces données? Il y a de nombreux défis et ce sont ces questions que je pose. Surtout. Bon, écoutez, après tout, puisque vous avez choisi, Elena Aronova, de poser des questions, avant peut-être d'y répondre vous-même, on va profiter de votre rôle spontané d'intervieweuse pour se tourner vers votre collègue, Bernard Rova. À ces questions vastes posées par Elena Aronova, auriez-vous quelques éléments de réponse? À qui les choses appartiennent-elles? Comment sont-elles finalement traitées? Comment se tourner et comment faire même accepter, c'est comme ça en tout cas que je l'interprète, comme scientifique, l'idée de gérer, faire de la gestion de données scientifiques? On a l'impression que le terme science va devoir un petit peu élargir sa définition pour arriver à comment dire, supporter ces nouveaux apports. Absolument. On est ici au cœur des enjeux qui encadrent les nouvelles modalités de la pratique scientifique et qui sont, comme Elena Aronova vient de le dire, un des enjeux très importants est le découplage de la prise de mesures scientifiques, du dispositif et de l'institution, des données. Donc ce découplage est quelque chose alors, qui n'est pas si récent, hein, comme on l'a vu, mais qui en tout cas n'existait pas aux origines de la science moderne, où il y avait un lien très fort entre le scientifique, son dispositif et les mesures qu'il pouvait en tirer. On a vu jusqu'à Humboldt, on retrouve une trace, une individualité, si ce n'est pas dans les détails de la prise de mesure, mais en tout cas dans les stratégies, dans les supports, dans les modalités. On retrouve la trace de Darwin, on retrouve la trace de Humboldt. Et ça s'atténue à partir du 19e siècle. Et effectivement, on est aujourd'hui dans un autre monde, dans le sens où les mesures sont découplées de l'instrument. L'instrument peut être le fait de milliers de personnes. Je pense ici à un instrument comme le CERN, par exemple, un accélérateur de particules, est le fait de milliers de personnes. Alors que jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, une donnée peut être tracée à un instrument et un instrument est tracé à une très petite équipe. Donc des personnes qui ont un contrôle sur un instrument. Alors maintenant, les questions très intéressantes qui se posent, elles sont liées au partage de ces informations. Et comme vous le savez, il y a une volonté, en particulier des entités qui financent la recherche, entités publiques, Commission européenne, les agences de recherche, il y a une volonté de rendre ces données publiques et que tout un chacun puisse les utiliser. Et ça, ce sont des enjeux importants qui se traduisent dans... Alors là, je parle de la propriété des données, hein, c'est-à-dire elles sont propriété du laboratoire, mais le laboratoire doit en quelque sorte donner une licence à tout un chacun pour pouvoir les utiliser. Et là, il y a des enjeux très intéressants en termes de ce que tout un chacun, le Kidam, pourra faire de ces données. Et combien tout ce qu'on appellera les métadonnées, c'est-à-dire toutes les données qui encadrent la donnée principale, sont disponibles, quelle expérience il faut pour traiter ces données. Autrement dit, où s'arrête le curseur dans la mise à disposition de tout un chacun des détails de la prise de mesure. Et ça, ce sont des enjeux qui sont négociés, en particulier le CERN a une politique là-dessus qui est disponible sur Internet, vous pouvez la suivre, mais ce sont des enjeux extrêmement importants. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les enjeux dont on a parlé lors de la dernière émission sur l'aspect stratégique de certaines données, parce qu'elles sont liées à un concurrent dans la guerre froide, en particulier pour le cas de la géophysique internationale, ils se traduisent à notre époque dans des enjeux économiques. Par exemple, une prise de données massive dans le domaine de la biochimie qui a été soutenue par des fonds publics doit-elle être mise à disposition de tout le public ou bien le laboratoire peut-il se réserver ce qu'on appellera un embargo de quelques années sur la publication des données pour déposer des brevets, s'assurer d'un certain avantage industriel. Voilà un peu les enjeux. Et puis, la dernière chose que je trouve intéressante, c'est pour revenir sur la question de la standardisation, parce que la standardisation des données, ou non, peut être une façon de retarder la compétition. On sait en particulier que dans le domaine industriel, utiliser des standards, par exemple, on peut parler de vis, par exemple, dans l'horlogerie, on sait qu'il y a une résistance de l'industrie à l'utilisation des standards, pour éviter que tout un chacun puisse copier, réparer, faire des activités économiques sur des objets qui ont été construits par d'autres. Donc, refuser le standard est aussi une façon de protéger ses droits, ses intérêts. Et on se retrouve dans des espèces de dualités protectionnisme versus libéralisme au niveau scientifique. Protéger mes données va me donner un avantage sur les autres. Donc, j'ai pas nécessairement intérêt à les standardiser ou à les ouvrir. Mais si je les ouvre et je rentre dans une grande collaboration, je peux aussi retirer des intérêts scientifiques du fait que j'élargis mon spectre. Et ça, ce sont des négociations qui sont intéressantes. Et dans certains domaines, elles sont réglées. Je pense à la physique des particules où les choses sont assez bien réglées. Mais dans d'autres domaines où les enjeux économiques sont plus importants, ce sont des choses qui se renégocient périodiquement. Doit-on se tourner à ce moment-là, Bernard Revin, et se tourne-t-on vers des arbitres extérieurs que sont par exemple les juristes? Si tel était le cas, les acteurs du droit sont-ils déjà en capacité de penser ce type de nouveaux problèmes? Ou, comme souvent les juristes le disent au micro d'Histoire Vivante, figurez-vous que les juristes, c'est un peu comme la cavalerie dans les films de John Ford, on arrive toujours un petit peu en retard. Donc quand on nous pose des questions, on sait absolument pas y répondre parce qu'on ne maîtrise pas du tout l'objet. Là, quand vous dites, dans certaines disciplines, ça discute, c'est pas réglé, on se tourne vers qui pour que ça se règle? À votre connaissance? Dans le contexte de cette discussion, si on parle de big data au niveau scientifique, ça veut dire qu'on a une grande infrastructure aussi. Donc, comme l'écrit Elena Aronova dans un des titres de ses articles, big science et big data ont un lien. Et big science n'est pas nécessairement un laboratoire centralisé physique, ça peut aussi être quelque chose de décentralisé, de délocalisé, ça peut être un réseau de bibliothèques, ça peut être un réseau de petits instituts, l'aspect big vient du réseau. Ce que je voulais dire, c'est que en général, autour de ces institutions, aujourd'hui, il y a une réflexion sur la propriété des données, la propriété intellectuelle qui est là, et il y a des professionnels qui encadrent la gestion de ce patrimoine du réseau. Mais ce qui m'intéresserait ici, c'est aussi de rebondir sur la question de ce dont on parle au niveau du big data jusqu'à maintenant. Il me semble qu'on a beaucoup discuté de scientifiques qui génèrent des données, qui produisent des données, qui les traitent, qui les analysent. Mais la question, c'est, existe-t-il du big data en dehors de ce modèle? Et je pensais ici au big data qui peut être créé, et parle-t-on d'ailleurs des mêmes choses? Est-ce que c'est aussi du big data? Là, je suis absolument pas placé pour y répondre. C'est pour ça que je me tourne vers Elena Aronova. Parle-t-on de big data, par exemple, dans des données qui sont accumulées par des assurances, par exemple? les assurances, on sait, ont été des précurseurs dans cette approche de collecte de données et d'analyse de tendances. Vous le dites, on le sait. Non. Moi, je me permets de vous dire qu'on ne le sait pas suffisamment. Rappelez-nous, ça ne date pas d'hier, si j'ose dire. Alors, c'est la fin du 19e siècle, en particulier en Autriche, où des corrélations ont été établies entre des maladies cardiaques et des comportements, et qui étaient des pures corrélations à cette époque. C'est-à-dire qu'on ne s'intéressait pas du tout aux aspects médicaux. Hein. C'était des corrélations qui avaient été établies sur la base de données, c'est-à-dire des âges, différents types de comportements, et donc qui permettaient aux assureurs de faire des polices d'assurance qui étaient plus intelligentes, mieux faites, qui les prémunissaient de risques importants. Donc là, c'est un petit peu, pardon de vous couper, de la prédiction, c'est un peu du Madame Irma. On suppose qu'à partir de tel âge, de tel type de données, ça peut donner quelque chose qui, et on prépare le contrat un peu à l'avance pour la personne qui devra le signer. Exactement. Ouais. Et les assureurs le font toujours, hein, quand ils posent certaines questions. Parfois, ils n'ont pas le droit de le faire, mais s'ils le pouvaient, ils poseraient des questions sur vos habitudes alimentaires. Mais la différence aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces corrélations sont fondées dans la médecine, c'est-à-dire qu'elles ont été établies scientifiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de ces approches, c'était de pure corrélation. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans un aspect du big data dont il faut aussi parler, qui est la collecte de données massive sur Internet, qui est quelque chose d'autre. Et ce genre de collecte massive, par exemple, ce que fait Google lorsque vous faites des requêtes ou ce que font des entreprises de commerce en ligne lorsque vous faites des achats, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de déterminer des probabilités de comportement. Et là, on revient sur une question intéressante du big data. Ils ne s'intéressent pas du tout à des causalités. Mais par contre, en termes statistiques, ils sont capables d'établir des tendances ou des actions que vous pourriez faire dans les prochains jours, ou dans vos pratiques et dans votre relation web. Et ces approches-là reposent sur du big data. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a une rupture dans les pratiques qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet en comparaison avec les pratiques scientifiques. Alors, réponse dans un instant d'Elena Aronova. Je me permettrai simplement de rappeler les propos d'Elena il y a peu. Elle dit, il y a toujours de l'humain là-dedans. Dans ce que vous venez de décrire, mon cher Bernard Reva, eh bien, il y a forcément aussi la participation de l'humain qui entend intervenir pour essayer de savoir le plus tôt possible ou de comprendre ou de prédire ce que le client lui-même humain, ce à quoi il finira par succomber. Mais je vais évidemment laisser Elena Aronova, historienne des sciences, répondre à la colle que lui a posée son collègue Bernard Reva. Okay, I will try. Referring to and kind of building my response on others. Je vais essayer de répondre à votre question en me basant sur ce que j'ai pu lire et écouter. It's a very interesting question about the kind of sort of personal data. C'est une question très intéressante, celle des données personnelles et de leur utilisation. C'est l'une des grandes questions de notre époque. An extent to which our privacy is protected by law and it's since it's an emergent. En effet, nous voulons que la vie privée soit protégée par la loi et c'est une inquiétude grandissante à l'heure actuelle. My sense is that in Europe this kind of protection is Je crois d'ailleurs qu'en Europe, cette protection est bien plus ferme, bien plus en place qu'aux États-Unis. C'est ce que j'ai pu constater au cours de conférences auxquelles j'ai participé avec des juristes et j'ai pu entendre à plusieurs reprises à quel point il était urgent de protéger la vie privée des utilisateurs, surtout aux États-Unis. J'ai l'impression plus aux États-Unis qu'en Europe. So in that regard, referring to aux États-Unis, vous pouvez acheter un petit peu tout type d'informations personnelles. Il peut s'agir d'informations sur les emprunts, les crédits, les hypothèques. Il y a une nouvelle spécialité qui est apparue, c'est celle de vendeur de données. Il y a un échange commercial de données qui est fait et les utilisateurs peuvent même racheter leurs propres données. data collection persons for the sake of the... D'une façon, il y a une rupture dans la façon dont on protège les données liées à la vie privée. Cette rupture, pour résumer très rapidement, est apparue au 19e siècle. On avait des assurances vie, notamment, qui collectaient des données sur les individus afin de déterminer quels étaient les risques d'une souscription d'une assurance vie, par exemple. Si vous étiez très malade, alors les chances que vous atteigniez les 80 ans étaient plutôt infimes. Aux États-Unis, ces assurances vie conservaient donc d'immenses bases de données. Et aujourd'hui, l'une des grandes différences, c'est le fait que dans ce monde du commerce des assurances vie, il y avait autrefois au sein des assurances vie plus de protection des données qu'actuellement. Those companies were very protective about their personal data. Dans le passé, pour assurer leur propre survie, les assurances vie protégeaient les données qu'elles avaient collectées. Elles devaient garder ces données pour elles, et tout ce qui était échangé, c'était des données qui avaient été analysées statistiquement, qu'on ne pouvait donc pas retracer, relier à leurs utilisateurs. Aujourd'hui, cette protection juridique n'existe pas à cause du big data, et on revient sur ce dont on a déjà parlé, les pratiques scientifiques, l'épistémologie, les politiques, tout cela est lié. Mais l'aspect juridique de la protection de la vie privée, je crois que c'est l'une des questions fondamentales de notre époque. L'année géophysique internationale a donc pour but, dans le monde entier, d'intensifier les recherches de physique de la haute atmosphère dans les observatoires et les instituts existants, ou d'entreprendre... L'année géophysique internationale, l'AGI, aura donc été un ensemble de recherches coordonnées à l'échelle mondiale, menées entre juillet 1957 et décembre 1958. Or, en ce même mois de juillet 1957, Elena Aronova nous signale que lors d'une réunion, le physicien médical Stanley Clark et le sociologue Joseph Ford propose la création d'un comité regroupant biologie et sciences sociales en lien avec l'année internationale de la géophysique. Selon eux, le programme de l'AGI pouvait être rattaché à des questions scientifico-sociales comme la bioclimatologie, la biométéorologie, les études médicales et psychologiques et des recherches en sociologie, écologie et même criminologie. Les deux hommes proposèrent d'inclure Ludwig von Bertalanffy comme membre du comité non seulement pour montrer l'importance de la communication interdisciplinaire, mais également suggérer implicitement la possibilité d'importer un cadre théorique, la théorie des systèmes, pour faciliter la communication interdisciplinaire envisagée dans leurs propositions. Dans les années 50, M. Bertalanffy soutient la théorie des systèmes comme cadre pour la formulation de concepts et principes d'organisation valables pour une majorité de systèmes. Mettre en valeur les similarités structurelles, les isomorphismes entre différents domaines, par exemple entre la physique, la biologie, l'ingénierie, la sociologie, et ce afin de créer une base pour leur unification. Les deux hommes, Clark et Ford, affirmant que non seulement les sciences sociales pouvaient tirer profit de leur intégration à l'année géophysique internationale, mais que l'année elle-même pouvait aussi tirer profit des sciences sociales. L'idée aura retenu l'attention de tous, mais le comité conclura que la proposition arrivait trop tard dans le processus, qu'on était trop éloigné du but central du programme, et enfin que ces idées était tout de même relativement aléatoire. Qu'importe, les recherches vont se mettre à foisonner. Il ne faudra pas attendre plus de 2 ans pour qu'un chercheur, Warren McCullough, n'entreprenne en 1959 ses propres recherches dans une toute nouvelle direction. L'intelligence artificielle. Demain, suite de ces entretiens en compagnie d'Elena Aronova, physicienne, chimiste, historienne des sciences, et Bernard Rova, physicien et historien des sciences. Merci à Coralie Tripier pour la traduction La réalisation de cette semaine est signée Jean-Philippe Zvalen. Une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistant à de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.